Book 2 12 12 Les boissons المشروبات Je bois du thé أنا أشرب شاي Je bois du café. أنا أشرب قهوة. Je bois de l'eau minérale. أنا أشرب مي معدنية. Bois-tu du thé au citron? أتشرب شاي مع الليمون؟ Bois-tu du café avec du sucre? أتشرب قهوة مع السكر؟ Veux-tu de l'eau avec des glaçons? أتشرب ماء مع الثلج؟ Il y a une fête ici? هنا توجد حفلة. Les gens boivent du champagne. الناس يشربون شامبانيا. Les gens boivent du vin et de la bière. الناس يشربون خمر وبيرة. Bois-tu de l'alcool? أتشرب الخمر؟ Bois-tu du whisky? أتشرب ويسكي؟ Bois-tu du coca avec du rhum? أتشرب كولا مع روم؟ Je n'aime pas le champagne. لا أحب الشامبانيا. Je n'aime pas le vin. لا أحب الخمر. Je n'aime pas la bière. لا أحب البيرة. Le bébé aime le lait. الرضيع يحب اللبن. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.